Dynamo. Mireille Kanyang. Merci de nous rester fidèles, madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue à l'écoute de cette édition dont voici les grands titres. Des habitants de la zone urbaine d'Ongagara au quartier 5 craignent pour leur sécurité suite aux fils non couverts et vétustes. Mercredi au Sénat, le ministre de l'Énergie et Mines a annoncé un remplacement imminent du réseau vétuste en mairie de Bujumbura. Les 500 000 doses du vaccin contre le paludisme sont attendues au mois de juillet au Burundi. C'est destiné à 250 000 enfants, un don de l'Agence américaine de développement international. Les officiers de la police et judiciaire de la province Kayanza appelés à en découdre avec les arrestations arbitraires et abusives en conseil du procureur de la République dans cette province. Vous l'entendrez dans cette édition mise en onde par Chancela Mugisha Wiman. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Encore une fois, bienvenue Page Santé pour débuter cette édition. 500 000 doses de vaccins antipaludisme sont attendues au Burundi en juillet prochain à propos du Dr Louise Maran, conseiller chargé du programme de lutte contre la malaria à l'Agence des États-Unis pour le développement international. C'était dans une conférence de presse ce jeudi. Elle a en outre précisé que ces doses sont destinées à 250 000 enfants de 25 districts sanitaires. Suivez. Le PNLP va travailler en collaboration avec le programme élargi de vaccination pour faire le déploiement du vaccin. C'est-à-dire que les vaccins arrivent dans les districts et va faire la supervision pour qu'ils assurent que les enfants sont bien vaccinés selon le calendrier. Parce que le calendrier du vaccin de antipaludique est presque différent du calendrier vaccinal habituel. Donc il y aura des temps où les enfants devraient se présenter qui n'est pas habituel au calendrier antérieur. Donc ensemble, tous les deux programmes doivent travailler pour que ce soit un succès. Et nous, au niveau de PMI, on va aussi aider dans la communication pour l'acceptation du vaccin et dans la communication pour qu'il y ait l'adhérence au vaccin. 500 000 doses, c'est pour 250 000 enfants. Et ça sera distribué dans 25 districts qui ont déjà été sélectionnés. Et dans le plan qui a été soumis à Gavi, la liste de ces districts est déjà connue. Et ça sera une collaboration entre les bailleurs qui luttent dans le paludisme. Page Média, le Conseil des ministres tenu mercredi de cette semaine a adopté le projet de loi portant révision de la loi régissant la presse au Burundi. La dépénalisation partielle des délits de presse est une des principales innovations apportées dans ce projet de loi. Dans un extrait du compte rendu de ce conseil, Jérôme Niyonzima, secrétaire général et porte-parole du gouvernement, informe que ce conseil a recommandé d'infliger une amende allant de 500 000 francs burundais à 1 500 000 francs burundais en cas de délit de presse au lieu de l'emprisonnement. Suivi. Depuis la promulgation de la loi numéro 1/19 du 11 septembre 2018 régissant la presse au Burundi, les acteurs et partenaires du secteur des médias sont unanimes que cette dernière soit revue dans certaines de ses dispositions pour un double objectif. Primo, contribuer à l'élargissement de l'espace démocratique et des libertés publiques d'une part. Secondo, s'adapter à l'évolution des technologies de l'information et de la communication d'autre part. Les principales innovations apportées à ce projet de loi sont notamment la prise en compte de l'évolution des médias, un élargissement des droits et des devoirs des journalistes et des organes de presse, une meilleure clarification sur la place du cinéma et de la publicité par rapport aux médias, une dépénalisation partielle des délits de presse. Après analyse, le Conseil des ministres a adopté le projet avec recommandation que l'amende pour les délits de presse soit portée à un montant allant de 500 000 à 1 500 000 francs burundais. Poursuivons cette édition. Je voulais annoncer en titre, certains habitants de la zone urbaine d'Ongagara au quartier 5 déplorent la vétusté des fils conduisant le courant électrique dans ce quartier. Selon eux, cela engendre souvent des accidents et s'indignent également que les techniciens que des techniciens de la régie des eaux laissent parfois ces fils non couverts lorsqu'ils vont faire des réparations de panne. Ils demandent à la régie des eaux de les brancher en réseau non souterrain pour éviter des pannes électriques ou des accidents. Le reportage est signé chez Ella Irambona. Cette personne est un des habitants du quartier 5 de la zone Gagara, un des quartiers de cette zone confronté à des coupures électriques de courant. Selon ses habitants, l'une des causes de ces coupures est l'état de délabrement de ces fils conducteurs. Nous avons une installation qui date de l'époque coloniale. Lorsque la régie des eaux nous fournit en électricité, il y a souvent une surintensité. Nos appareils, comme les réfrigérateurs, tombent souvent en panne. Nous sommes tout le temps en train de les réparer. Nous avons vraiment ce problème. Il y a des fois qu'ils viennent faire des réparations et qu'il y ait des pannes après qu'ils aient quitté les lieux. Nous leur demandons pourquoi cela et ils nous disent que cela est dû au fait que les fils sont usés. Ces fils électriques sont branchés à un réseau souterrain. À chaque fois que les techniciens de la régie des eaux viennent faire des réparations, ils doivent les déterrer et ils les laissent comme cela, déplore-t-il. Ces habitants témoignent que cela crée des incidents et demandent à la régie des eaux de les brancher à un autre réseau autre que souterrain. Ce que nous demandons, c'est qu'ils essaient de changer notre réseau souterrain, qu'ils nous connectent par poteaux électriques. Cela permettrait d'avoir du courant convenablement. Nous attendons toujours. Ils avaient commencé à installer des poteaux. Nous avons attendu qu'ils mettent des fils afin que nous soyons raccordés comme les autres, mais en vain. Sur ce point, le ministre de l'Énergie tranquillise. Le ministère de l'Énergie prévoit le remplacement du réseau Vétuste en mairie de Bujumbura d'ici le mois d'avril. Nous envisageons de changer ce réseau qui est vétuste. Cela va coûter à peu près 200 millions de dollars. Nous collaborons avec le groupe sectoriel Énergie pour trouver des fonds. Je vous annonce que nous allons changer le réseau de Bujumbura d'ici ce mois d'avril. Nous allons changer tout ce qui est vétuste. Les études ont été déjà faites, même les fonds sont en train d'être collectés, même si nous n'avons pas encore eu la somme escomptée. Hors micro, ces habitants du quartier Sangagara ont fait savoir que cet état de délabrement des fils électriques empire leur situation car il arrive des fois où ils n'ont pas de courant alors qu'il n'y a pas eu de délestage dans cette zone. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. 18h09 dans les studios de la radio Isanganiro. Plus de 10 800 jeunes au niveau national ont été assistés et encadrés par la BGPAEJ ainsi que la Banque des Jeunes BIJ dans leur projet de développement au cours de l'année 2023. L'une des réalisations semestrielles du ministère de l'Intégration au niveau de la communauté de l'Afrique de l'Est, jeunesse et sport et de la culture, c'est au cours du premier semestre allant de la période du 1er juillet au 31 décembre 2023, suivait le ministre Gervais Abaye. 326 jeunes diplômés sans expérience professionnelle ont été recrutés et placés dans différents services pour le stage de premier emploi dans toutes les provinces du pays. La Banque d'investissement pour les jeunes, BIJ, a octroyé des crédits à 49 coopératives de 449 jeunes d'un montant de 571 millions de francs burundais et une société unipersonnelle qui a bénéficié d'un crédit d'un montant de 10 millions de francs burundais. Le programme d'autonomisation économique des jeunes a octroyé des financements à 525 coopératives, dont 168 à Ngozi, 141 à Gitega, 134 à Kayanza, 36 à Bururi, 33 à Mwaro et 13 à Rumonge. Le nombre de jeunes impliqués est de 20 jeunes par coopérative, soit un total de 10 500 jeunes. Parlons encore des jeunes en page politique. Les jeunes leaders des partis politiques de la nouvelle province de Gitega indiquent que la cohabitation est bonne entre eux, malgré quelques perturbations de cette cohabitation qui, des fois, s'observe. Ils promettent néanmoins d'éviter des manipulations des jeunes par des politiques et des violences électorales durant les prochaines échéances. Ils ont tenu ces propos ce vendredi à Gitega au terme d'un atelier de sensibilisation sur la lutte contre la manipulation des jeunes et la prévention des violences politiques. Le point avec Gérard Niwigira. Les jeunes présents dans cet atelier sont les représentants des jeunes des partis politiques CNDD-FDD, Frodebou, CNL et IPRONA qui sont venus des provinces Gitega, Mwaro, Karusi et Muramvya qui sont les quatre provinces qui forment la nouvelle province Gitega. Tous ont dans l'ensemble signifié que les jeunes militants de différents partis politiques cohabitent bien, sauf une jeune fille qui a représenté le parti CNL qui a mentionné que des fois cette cohabitation se porte mal entre les jeunes du CNL et ceux des autres formations politiques. Et elle se réjouit néanmoins des interventions rapides qui s'observent chaque fois que la cohabitation entre jeunes du CNL et des autres formations politiques connaît des entorses. Ainsi, elle propose la tenue régulière de réunions de rapprochement de jeunes militants de différents partis politiques. En outre, tous ces jeunes ont promis de tout faire pour ne pas écouter les appels des leaders des partis politiques qui tenteraient de les manipuler, de les embarquer dans des violences électorales pendant les prochaines échéances électorales. Et comme il y a encore du temps pour qu'elles se tiennent les prochaines élections, ces représentants des jeunes et des partis politiques différents demandent que soient multipliés les ateliers de les sensibiliser sur le comportement à adopter avant, pendant et après ces élections. Ils ont tenu ce propos ce vendredi à Gitega au terme d'un atelier de sensibilisation des jeunes leaders des partis politiques sur la lutte contre la manipulation des jeunes par les hommes politiques et la prévention des violences électorales organisées par l'organisation CIDEP en collaboration avec le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique. Le coordinateur des projets au sein du CIDEP, Sanzuguimo Nicolas, a indiqué que de tels ateliers seront organisés dans les quatre autres nouvelles provinces du pays. De son côté, le directeur des affaires administratives, juridiques et politiques et au ministère en charge de l'Intérieur, Désiré Nitunga, a dit que cet atelier a suivi un autre antérieurement organisé à Bujumbura, à l'intention des leaders des partis politiques pour les inviter à ne plus manipuler les jeunes affiliés à leur parti politique, mais plutôt qu'ils leur parlent des projets de programmes de développement afin d'éviter l'expérience malheureuse du passé en matière de violences électorales. Depuis Gitega, Jani Bigira pour la Radio Sangani. De Gitega, rendons-nous en province Changuzo, plus précisément dans la commune de Michiha, où les adultes retirés de la situation de rue et actuellement regroupés au sein du centre de réinsertion sur la colline Munzenze de cette province de Changuzo demandent d'être formés en métier ou être réinsérés dans leurs familles respectives. Certains regrettent qu'ils viennent de passer près de 4 mois sans rien apprendre. D'autres affirment avoir été transformés. Le ministère de la Solidarité nationale et des droits humains rassure que l'apprentissage des métiers sera bientôt organisé à l'intention des adultes. Un reportage signé Placide Niomungere de retour de la province Changuzo. Ainsi se saluent les enfants et adultes de ce centre de réinsertion situé sur la colline Michiha en province de Changuzo. Nizigimana Espérance, une mère, témoigne avoir retrouvé ses 6 enfants dans le même site, déplorant une vie qu'elle qualifie de difficile. Elle loue au moins la discipline qui caractérise ces derniers jours ces anciens mendiants. Nous menons une vie difficile. Entre 16h à 18h, nous sommes contraints de rester à l'intérieur du centre. Il y a ceux qui vont totaliser près de 6 mois ici. Nous avons appris à ces nouveaux comment ils doivent se comporter. Nous nous comportons comme des personnes bien éduquées. Espérance plaide pour une réinsertion urgente, regrettant qu'elle n'a rien gagné jusqu'ici afin de préparer son avenir. Je suis pris et je n'ai rien gagné jusqu'ici. Je demande de nous faire retourner chez nous. Entre-temps, certains de ces adultes constituent une main-d'œuvre locale dans la communauté de Michiha, justifie Didier Niramewa, qu'on a rencontré à plus de 200 mètres de ce centre en cours de route, muni de roues à destination du travail à la tâche. Pour notre arrivée, on nous payait 2500 francs burundais par jour. Actuellement, la main-d'œuvre a été revue à la hausse jusqu'à 3000 francs burundais. Puisque je suis habitué à ces travaux, je dois aller chercher à faire à l'aide de la roue. Celui qui ne veut pas travailler reste dans le centre et consomme uniquement du riz. De son côté, Pima Tabaro, surnommé Nyumbakumi, trouvait qu'il est encore tôt de penser à une réinsertion, faute de quoi il risquerait la même situation de riz, et demande au gouvernement de leur apprendre le métier. Être réinséré, c'est bon, mais nous devons être préparés pour retourner dans les familles respectives tout en ayant appris quelque chose qui pourra nous aider dans l'avenir afin d'oublier des situations dans lesquelles nous avons été tirés. Nous demandons au gouvernement de tenir compte de ce temps que nous perdons ici pour se ressaisir. Je suis sûr qu'il se soucie de nous. Le plus important serait de nous apprendre le métier pour qu'une fois réinséré, la communauté nous trouve outillés et bien transformés. Pour le programme de formation Majambere e-Défense, porte-parole du ministère ayant les droits humains et la solidarité nationale dans ses attributions, précise que l'apprentissage des métiers sera bientôt organisé à l'intention de ces adultes, alors que les mineurs vont se retrouver sur le banc de l'école. Pour rappel, dans ce centre se trouvent actuellement plus de 340 adultes à côté de plus de 190 mineurs. Place de Niomungere de Mishiha en province Changuzo, c'est à l'est du Burundi. Rendons-nous en province Kayanza pour parler justice. Le procureur de la République en province Kayanza demande aux officiers de la police judiciaire dans cette province d'éviter des arrestations arbitraires et abusives, éviter la corruption. Isaac Ningabire leur demande de respecter les délais de garde à vue des prévenus. Il a dit ce jeudi dans une réunion avec les officiers de police judiciaire à Kayanza. Et c'était pour les rappeler des lois et règles régissant le domaine judiciaire. Le point avec Patrick Nzengiyumv. D'après le procureur de la République en province Kayanza, ces derniers jours, certains des officiers de la police judiciaire bafouaient la loi régissant ce domaine et sont dans le simple but d'appliquer de l'injustice à l'une ou l'autre des parties en conflit. Isaac Ningabire a indiqué que c'est dans cette optique qu'il a convoqué ce jeudi une réunion des officiers de la police judiciaire œuvrant dans différentes communes de la province Kayanza pour les faire en recyclage sur les lois et règles régissant le domaine de la justice. Selon cette autorité judiciaire à Kayanza, les officiers de la police judiciaire doivent éviter des arrestations arbitraires et abusives. Les OPJ à Kayanza, d'après lui, doivent nécessairement respecter et faire respecter la loi tout en évitant d'être corrompus. Le procureur de la République en province Kayanza appelle les officiers de la police judiciaire en cette province à une justice humanisée tout en respectant les droits humains des prévenus. Dans cette réunion du procureur de la République à Kayanza avec les officiers de la police judiciaire ce jeudi, le sous-commissaire PJ Coroner de police Félicien Nigaba a demandé que la santé des prévenus soit protégée, surtout à l'air accordant l'accès aux soins sanitaires. Son responsable de la police judiciaire en province Kayanza a également demandé l'hygiène et l'assainissement des cachots communaux afin de protéger la santé des prévenus contre les maladies liées au manque d'hygiène. Au terme de la réunion, les officiers de la police judiciaire à Kayanza se sont beaucoup réjouis des recommandations, lesquelles d'ailleurs ont promis de les mettre en pratique pour améliorer les prestations dans leur travail quotidien. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganiro. Restons au nord du Burundi, cette fois c'est en province Ngozi pour parler commerce, pénurie de certains produits, Brarudi principalement, la grande Primus et l'Amstel 65 centilitres depuis plus d'une semaine. Conséquence, le prix de ces boissons a augmenté de 500 à 1000 francs burundais par bouteille. L'administrateur de la commune Ngozi, Joseph Martin Bouchoumi, met en garde les spéculateurs et demande aux consommateurs de dénoncer ces commerçants. Une information que nous devons à notre correspondant en province Ngozi, Apollinaire Muzagara. Et les hommes devraient encourager et soutenir leurs femmes qui exercent des activités génératrices de revenus afin d'aboutir à un développement des ménages et du pays. Joseph Niokindi de la commune Bugarama en province Rumonge, se développant aidé par sa femme, le témoigne. Il appelle chaque homme s'opposant encore à l'autonomisation économique de la femme de changer de mentalité. C'était lors d'une session de réseautage des acteurs économiques et des médias organisée par l'ONG Search for Common Ground sous le thème de la complémentarité pour promouvoir l'autonomisation économique de la femme de ce mercredi et jeudi en province Rumonge. Une information que nous devons à notre correspondant Jean-Pierre Misago. Voilà, à 18h20 dans les studios de la radio Isanganiro, c'est par ici que je mets un point final à cette édition. Merci Madame, Monsieur de l'avoir suivi. Merci également à Chancela Mugisha Wimana qui a assuré la mise en onde. Très bonne suite de nos programmes.